amatwi avyibukijwe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida abavyeyi twese dusabwa kwa amatwi twararise amagara y'abana bacu mu kubaronsa urucanco rwo ku mwaka n'igice kugira tubakingira indwara y'agasama. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principales articulations. Promotion de la langue nationale, un journaliste senior qui a soutenu publiquement son travail de mémoire, le premier en Kirundi à l'université du Burundi, apprécie positivement la volonté du président de la République qui dit que désormais le Kirundi doit être utilisé dans diverses réunions, les rapports aussi. En page sécurité, on vous parlera d'un corps sans vie d'une femme qui a été retrouvée dimanche matin suspendue dans sa chambre dans la zone commune Nega en province de Kirundo. Et dans la chronique santé de ce mardi, un psychologue nous parlera des conséquences observées chez l'enfant dont la mère vivait dans de mauvaises conditions au moment de la grossesse. Encore une fois, bonjour et bienvenue à tous. L'avenir. Politique d'abord, pour vous dire que le parti UPD Zigamiwanga trouvait que l'accès à l'espace politique est facile de nos jours. À peu près 3 ans après les élections générales de 2020, Abdul Kassim, président de ce parti, notait que les contraintes majeures qui freinent les activités des partis politiques se situent notamment au niveau des instruments de travail, dont les lois électorales et communales. Pour lui, il faudrait organiser des concertations sur la loi communale pour éviter les précipitations dans la tenue des élections générales de 2025. Suivez. Jusqu'à aujourd'hui, nous constatons que l'accès à l'espace politique est vraiment facile. Il n'y a pas de verrouillage quant à l'espace politique. Néanmoins, il faut signaler que nous avons des contraintes parce que, comme vous le voyez, on est à quelque part déjà des élections de 2025. On n'a pas été consulté quant à la réforme ou au découpage administratif qui est en cours, mais nous espérons que dès que la loi sera promulguée, nous espérons que les partis politiques seront les premiers à connaître le contenu. Mais aussi, ce découpage va de pair avec un nouveau code électoral qui sera conforme à ce découpage administratif. Ça aussi, nous n'avons pas, mais nous voudrions demander avec insistance au ministère de l'Intérieur, de la Santé publique, ainsi qu'à la CENI, d'organiser des rencontres, des réunions avec les partis politiques pour qu'on puisse étudier ensemble quelle sera la forme et le contenu du nouveau code électoral pour qu'effectivement on arrive dans des élections avec un espace qui est apaisé. Ça va aussi ensemble avec la loi communale. Ça aussi, on n'en a pas. Et lorsque des instruments pareils ne sont pas disponibles, vous comprenez que oui, on a accès, mais on n'a pas les instruments nécessaires. Cela étant, je ne dois pas oublier aussi de signaler qu'aujourd'hui, la population burundaise est assujettie à la pauvreté. Et cela aussi affecte nécessairement les partis politiques, parce que aujourd'hui les revenus des partis politiques proviennent des cotisations des membres. Et cela alors devient un handicap majeur. Et pour cela, nous demandons qu'il y ait révision de la loi sur les partis politiques pour qu'effectivement on détermine clairement le financement des partis politiques pour permettre à tous les partis politiques de travailler avec, des chances égales. Certaines femmes collinaires de la province de Gitega affirment qu'une femme élue doit savoir organiser son temps et pour les tâches administratives et pour celles domestiques. C'est au moment où il y a encore des hommes qui considèrent que la femme ne peut rien autre que les tâches ménagères, bien que cela soit aussi une entrave au développement économique des familles. C'est un reportage signé fidèle d'Antoine Savimana depuis Gitega. Francine Nijimbede, une élue du quartier Magarama dans la ville de Gitega, fait savoir qu'il faut bien gérer le temps pour accomplir les tâches administratives tout en accomplissant les tâches ménagères. Comme vous le savez, une femme au foyer est sollicitée par plusieurs tâches. Nous-mêmes qui avons des employés au foyer, nous prenons le temps d'arranger les affaires familiaux et celui de répondre aux préoccupations de ceux qui se confient à nous. Nzimana Pauline, élue du sous-colline Moussavé de la commune Gitega, salue la manière dont ses administrés la respectent malgré qu'elle est femme. Je ne dirai pas que je suis sous-estimée puisque je suis une femme. Car lorsqu'il y a des différends à résoudre dans la communauté, ma seule présence fait baisser les tensions. Je ne dirai pas, par conséquent, que c'est une responsabilité difficile. Quand je rentre à la maison, je prépare le repas. S'il y a un problème dans la communauté, je lui fais part de cette urgence et nous convenons sur l'heure de rentrer au foyer et me laisse partir. Je me programme à ce que à 19h, je sois au foyer pour l'aider à faire des tâches restantes. Toutefois, certains maris constituent un obstacle à leurs femmes qui souhaitaient s'investir dans les organes administratifs, comme c'est le cas pour cette femme membre du conseil communal dans une des communes de la province Gitega. Nous avons du mal à partager les tâches. Cela fait que le travail pèse lourd sur mes épaules, parce que je suis presque seule au foyer. Même lorsqu'un enfant tombe malade, il refuse de le faire soigner. Il faut prodiguer des conseils aux hommes qui ne soutiennent pas leur famille pour qu'ils changent de comportement. De même, certains hommes ne comprennent pas l'intérêt de donner la parole à une femme ou l'intérêt d'aider sa femme dans les tâches ménagères. Dans le temps, c'est l'homme qui était le seul responsable de la famille. L'homme peut aider sa femme pour couper le bois de chauffage. Dans une vidéo protée de la colline Maronda en commune Gitega, trouve ce comportement comme étant archaïque. Pour lui, il faut plutôt encourager la femme à s'intéresser aux activités politiques. Je pense que ce qui empêche les femmes à exercer des activités économiques sont dans l'ignorance, car dans la famille, il faut s'entraider. Vous devez tous travailler et mettre en commun le fruit du travail. En ce qui concerne la participation dans des affaires administratives, vous ne pouvez pas également constituer un obstacle, car là aussi, elle est au service de la nation. Dayumvile Proté interpelle les hommes de ne plus douter de la capacité des femmes dans la prise de décision. Merci Fidèle. En page sécurité, un corps d'une femme sans vie a été retrouvé dans la matinée de ce dimanche, suspendu sur une corde dans sa chambre. Nous sommes sur la colline Mongue, zone et commune Nega en province de Kirundo. Selon les informations issues de la population proche et l'administration, la victime aurait été étranglée par son mari, un militaire travaillant dans la province de Makamba, qui l'a par après suspendu sur la corde. L'auteur, qui a accusé sa femme de prostituée avec une grossesse qui n'était pas la sienne, a essayé de prendre le large, mais quelques heures après, il a été appréhendé par la police. Le point avec Abraham Safari. Selon les informations émanant de la population de la colline Mongue, zone et commune d'Onega, province de Kirundo, dans la matinée de ce dimanche, un corps d'une femme morte du nom de Chizagne Patricie, de 30 ans, a été trouvé suspendu sur la corde dans la chambre à coucher. Les mêmes sources qui convergent avec celles de l'administration pensent que l'auteur de l'acte serait son mari, du nom de Hakiziman Pascal, militaire au camp de Makamba. Dans la même chambre, tout près de la victime, des personnes y ont trouvé une lettre qui, soi-disant, serait écrite par la défunte, disant « J'ouvre les guillemets, je préfère te quitter, le temps que nous venons de passer ensemble suffit et sache que la grossesse que je porte n'était pas la tienne. Je ferme les guillemets. » Or, selon les femmes avec qui elles étaient dans une même association que la victime, elles confirment que la victime ne savait pas écrire pour dire que la lettre avait été écrite par son mari. Les mêmes témoignages confirment que la cohabitation entre le couple n'était pas du tout pacifique. Le mari accusait la femme de prostitution et que la grossesse qu'elle portait n'était pas la sienne. Caporal chef Hakiziman Pascal aurait laissé sa femme pendant 6 ans pour se marier avec une autre à Bujumbura, mais les relations n'ont pas duré et il s'est retourné vers la première femme. Ils venaient de passer une année encore ensemble, du moins selon les sources administratives. La victime vient de laisser 3 enfants, tandis que le présumé auteur est au cachot de la police à Nega pour la confection du dossier. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Je vous le disais en titre, le Kirundi doit être utilisé désormais dans diverses réunions. Lors d'un congrès ordinaire du parti CNDD-FDD dimanche à Gitega, le président de la République, Évariste Ndayishimiye, a précisé qu'il s'agit là d'une décision du pouvoir exécutif afin de valoriser la langue nationale burundaise. Suivez-le, traduit en français par Omer Nouaïo. Au sein du pouvoir exécutif, on s'est convenu que toutes les rencontres soient menées en Kirundi. Les rapports seront aussi produits en Kirundi. C'est incompréhensible qu'on abandonne notre langue alors que nous parlons tous la même langue. C'est déplorable. Les Burundais peuvent se moquer de quelqu'un qui commet une faute en français, mais ne peuvent pas se moquer de celui qui commet une faute en Kirundi. Ils ne trouvent pas qu'on est en train de massacrer la langue. Il faut valoriser notre langue, le Kirundi. Il faut tout écrire en Kirundi, des réunions en Kirundi, des rapports en Kirundi. C'est ce qui va montrer notre passé. L'utilisation de la langue nationale est importante au Burundi. Jérôme Nyonzima, journaliste senior qui a écrit et défendu le premier à l'Université du Burundi son mémoire de fin d'études universitaires en langue nationale, indique que c'est étonnant d'entendre un Burundais qui s'excuse sur un mot qui l'échappe en Kirundi lorsqu'il s'exprime. Selon lui, toutes les institutions de l'État devraient réfléchir en langue nationale en rédigeant leur rapport afin de promouvoir le Kirundi. Suivez-le. D'abord, moi, comme un des promoteurs de la langue nationale, j'ai été sérieusement ému et ça m'a ravi d'entendre une parole qui vient du chef de l'État par rapport à la promotion de notre langue nationale. Pourquoi ? D'abord, pour commencer, rappelons-nous que la Constitution de la République du Burundi, en son article 5, prévoit que toutes les lois, tous les décrets, tous les règlements doivent avoir leur version originale en Kirundi. Ça veut dire la version originale. Ça veut dire qu'aucune loi, en principe, ne devrait être élaborée en français, ne devrait être élaborée en Kiswahili ou en anglais. Plutôt en Kirundi, et puis toutes les autres langues seraient des traductions. Donc pour moi, qui ai rédigé, défendu publiquement mon mémoire de fin d'études universitaires en Kirundi, j'ai compris que nous avons encore à faire. Nous avons beaucoup à faire parce que notre raisonnement est en français. Et quand le raisonnement est en français, ça devient un problème quand il faudra traduire en Kirundi. Et les gens vous diront, les termes me manquent. Je ne sais pas comment je pourrais le dire en Kirundi. Vous entendrez en Burundais, sans honte ni scrupule, qui vous dira « Excusez-moi, je ne sais pas comment le dire en Kirundi, mais c'est ce que les Français appellent atelier. » Par exemple, ça veut dire qu'il a pensé atelier en français, il ne sera pas traduit atelier en Kirundi. Et ça sera un problème. Maintenant, les gens n'ont pas honte à dire « Excusez-moi, ce sont des Burundais, excusez-moi, je veux le dire en français. » Comme si le français était une langue facile, plus facile que le Kirundi. Pour moi, quand j'ai pensé à rédiger le mémoire en Kirundi, j'avais un objectif à atteindre. C'était sur un domaine, c'était dans le sens, dans le souci de contribuer au dictionnaire, à l'élaboration du dictionnaire monolingue. En province de Cibitoke, le gouverneur a pris la décision empêchant le maïs grillé et cuit vendu de façon ambulante. Il dit que c'est dans l'optique de combattre les cas de vol observés dans les champs. Mais les vendeurs ne savent pas à quel sens se vouer. Le point avec Alexis Ndaïlagi. Personne n'est autorisé à vendre du maïs frais dans les marchés de la province de Cibitoke. La vente également du maïs grillé et cuit sur la place publique est suspendue. Ceci est la mesure prise par le gouverneur de la province de Cibitoke ce mardi. Celui qui voudra bien vendre sa production du maïs frais doit présenter un document délivré par les autorités administratives à la base, précisant que c'est sa propre production. Le gouverneur de la province de Cibitoke, Karim Vizosa, indique qu'il vient de prendre cette mesure dans le but de limiter les vols du maïs frais signalés ici et là dans les différents champs des communes de la province de Cibitoke. Les femmes rencontrées au marché moderne de Cibitoke faisant la vente du maïs frais et du maïs cuit indiquent qu'elles vivent de ce travail et que leur sera difficile de gérer la situation familiale et que les enfants n'auront pas à mettre sous leurs dents. Elles demandent au gouverneur de la province de Cibitoke de suspendre cette mesure. Depuis Cibitoke, Alexis Ndayiragije, Radio Isanganiro. Merci Alexis. Au sport, le Burundi abritera la compétition internationale de volleyball de sable, beach volleyball en anglais. Ce sera du 17 au 21 août de l'année en cours. Le président de la Fédération burundaise de volleyball, Kilodi, indique que les préparatifs vont démarrer d'ici peu pour cette grande cérémonie sportive. Dans le but de promouvoir le niveau de volleyball au Burundi, Serge Nakavura précise que les équipes nationales de volleyball seront mises en place au cours de cette saison pour les différentes catégories d'âge des joueurs suivants. Il y a eu le tournoi de volleyball beach zone 5 des seniors qui a été donc octroyé au Burundi suite au tournoi de United qui était organisé ici et qui avait réussi avec succès. Dans ce tournoi, le Burundi a remporté une coupe et les médailles d'or chez les garçons et les médailles de bronze toujours chez les garçons. Chez les filles, on n'a rien gagné, mais on ose espérer que dans les compétitions à venir, le Burundi aura quand même des médailles. Le mois de janvier, nous venons d'organiser en fait une phase finale du championnat national d'exercice 2022. Et c'est vrai, c'est le championnat qu'on vient d'organiser juste dans l'autre exercice. C'est parce qu'il y avait eu beaucoup de compétitions au courant de l'exercice de la saison qui vient de s'écouler. Suite à l'organisation donc, de la Coupe du Zone 5 de Volleyball Beach, la Fédération internationale vient de confier au Burundi l'organisation du Volleyball Beach World Tour, c'est-à-dire c'est le Volleyball Beach au niveau mondial qui va se dérouler ici. C'est le Burundi qui va abriter en fait ces compétitions au mois d'août du 15 au 21 cette année. Et maintenant, nous allons commencer les préparatifs. Il y a déjà les démarches qui sont en cours, que ce soit au niveau des joueurs, que ce soit au niveau des terrains. Comme je l'avais souligné, maintenant au niveau du Volleyball Beach, notre fédération va organiser le championnat national pour renforcer les capacités en fait des équipes beachères afin que l'on puisse affronter cet événement si important pour le Burundi. Le règlement à l'amiable entre la victime et l'auteur d'une infraction est sans effet devant la loi. Réaction d'un avocat après que la famille de la victime de coups et blessures infligés par l'Indien Tosif ait déclaré lui avoir pardonné lors de la sentence de la cour d'appel de Ngozi ce lundi. Selon maître Fernand Dior Remecho, accepter ce pardon serait synonyme de promouvoir l'impunité. Suivez. Bon, on a entendu dire que la famille de la victime est en train d'accorder pardon dans le sens de la morale seulement. Mais c'est que, au vu de la loi, les poursuites pénales appartiennent au ministère public. Le ministère public a bel et bien poursuivi l'Indien. Et au niveau du tribunal de grande instance, il a été entendu et jugé. Après le prononcé du jugement, c'est que cet auteur des coups et blessures en envers de cette fillette-là a fait appel, ce qui est pleinement dans ses droits. Et par après, il y a eu également confirmation du jugement par l'arrêt qui a été rendu par cette cour d'appel de Ngozi, qui fait que dire que cette famille de la victime de cette fillette-là est en train de pardonner, d'inciter même les instances judiciaires à ne pas condamner ou à ne pas emprisonner, cela n'est pas concevable du moment qu'il doit subir la peine qui a été prononcée par cette cour d'appel de Ngozi. Et pourquoi la famille de la victime n'a pas droit de pardonner à un auteur d'un crime quelconque? Au sens de la morale, c'est acceptable, mais au sens de la loi ou juridiquement, c'est pas du tout admissible. À titre d'exemple, supposons qu'il y ait un auteur de violent à l'encontre d'une fillette non consentante et par la suite d'une condamnation qui tomberait à l'encontre de cet auteur de cet acte-là. Supposons que la famille de la victime vienne par après dire aux instances judiciaires « Nous voudrions qu'il ne soit pas du tout poursuivi, nous voudrions qu'il ne soit pas du tout condamné » ou juridiquement, ça serait promouvoir l'impunité. Actualité international. Une brève internationale pour vous dire que l'Est de la République démocratique du Congo a été à nouveau en proie à des tueries. Au moins 24 civils ont été tués et une dizaine d'autres kidnappés dans une nouvelle attaque attribuée aux forces démocratiques alliées, ADF, dans le territoire de Beni. L'attaque a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi, selon RFI, dans le village de Makungwe. Selon l'armée, les auteurs de l'attaque fuyaient les offensives des troupes congolaises et ougandaises lorsqu'ils ont surgi dans ce village de Mukungwe autour de 21h30. Les assaillants étant visiblement plus nombreux, les quelques militaires sur place n'ont pas réussi à empêcher les tueries. Les premiers à être exécutés sont une dizaine de civils qui buvaient des bières dans une petite buvette À lire encore le site de RFI. Différentes conséquences, je vous le disais, différentes conséquences s'observaient chez l'enfant dont la mère vivait dans de mauvaises conditions au moment de la grossesse. Le psychologue et spécialiste en éducation, Alexis Naïzeguié, indique que cet enfant peut devenir un enfant très difficile à éduquer par rapport à d'autres enfants de sa même génération. Il conseille à l'entourage d'éviter de tourmenter une mère enceinte. L'élément sonore n'est pas disponible, nous nous en excusons. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Alphonse Koubguimana pour la collaboration technique. Excellente journée à tous. Au revoir.